Le regard sur le monde. Bonjour Sylvie Simon. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les vaccinations. Est-ce que nous pourrions savoir pourquoi vous vous êtes lancée dans ce combat ? Parce que j'ai toujours eu horreur du mensonge et que le dogme vaccinal a été construit uniquement sur des mensonges. On nous a raconté n'importe quoi, on envoie des chiffres pour affoler la population. Je crois que répandre la peur, du reste les laboratoires ont avoué que par la peur, on arrivait à avoir une population qui acceptait la vaccination beaucoup plus volontiers. Donc, devant tous ces mensonges, étant donné que ces mensonges touchent la santé publique et peuvent causer des drames épouvantables, je trouve qu'il faut arrêter cette espèce de carnage qui est donné parce que la population étant affolée se précipite sur les vaccins. On nous a fait croire, par exemple, et c'est la même chose, l'histoire du Gardasil correspond exactement à l'histoire de l'hépatite B. On a pris des maladies qui ne touchent qu'une toute petite partie de la population en affolant les gens, en disant par exemple que l'hépatite B se transmettait par justement la salive ou des choses comme ça, ce qui est absolument faux. On n'a pas dit, on a vacciné les bébés en disant qu'ils risquaient d'attraper la contagion, ne serait-ce que par la salive ou par le partage de jouets, etc., ce qui est absolument faux. Et maintenant, on vient de découvrir du reste, que la protection, si protection il y a, ne durerait pas au-delà de 15 ans. Il y a eu des publications sérieuses là-dessus. Donc à quoi sert de vacciner des nourrissons pour une maladie qui ne sera pas protégée quand ils auront l'âge d'avoir une vie sexuelle? Il y a la même chose pour le papillomavirus, dont on a fait une publicité absolument incroyable en faisant croire que de toute façon c'était un problème général, que c'est en vérité beaucoup moins grave que la plupart. C'est exactement comme pour l'hépatite B, la plupart des gens guérissent spontanément, ça disparaît sans laisser aucune trace, et ça les gens ne le croient pas. Ils s'imaginent que dès qu'il y a un papillomavirus, il y a une énorme partie de la population qui est en contact avec le virus, qui disparaît spontanément, et si on a vraiment un bon système immunitaire, il est évident que ce sont des problèmes qui n'existent pas. Mais avec les vaccins, en plus, on fait tomber le système immunitaire, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, il y a eu cette chose-là. Avec l'hépatite B, donc, on a fait une campagne absolument épouvantable et monstrueuse. La preuve, c'est que les laboratoires sont maintenant mis en examen pour mensonges aggravés, mais je pense qu'ils s'en tireront très bien, comme on s'en tire toujours en France avec les tribunaux, comme s'en sont tirés les gens qui sont coupables de s'en contaminer, comme s'en sont tirés les gens qui sont coupables d'avoir donné l'hormone de croissance. Donc, je pense que ça se passera très bien pour les laboratoires. Mais pour le papillomavirus, il y a quand même une chose aussi très importante, c'est que on ne dit pas assez qu'il a été fabriqué par Merck, qui a été quand même le fabricant du Vioxx. Alors l'argument les vendeurs du Gardasil vous disent oui, mais nous avons eu le prix Galien, ce qui est vraiment une preuve de qualité de notre vaccin qui a été vraiment très très très étudié. Or, il faut pas oublier tout de même que le Vioxx avait eu le prix quelques années avant le prix du Medec. Un an avant d'être retiré de la circulation, après avoir tué aux États-Unis plus de 50 000 personnes et d'avoir blessé 160 et quelques mille personnes aussi. Donc le fait d'avoir un prix n'a aucune importance, ne veut rien dire, surtout que les prix sont toujours donnés par des gens qui ont des attaches dans les laboratoires. Il faut toujours bien ne jamais perdre de vue les liens entre les laboratoires et les gens qui vous donnent les vaccins. Ensuite, il y a aussi la question. Alors à ce moment-là, on a donné effectivement le prix, on a donné le prix Nobel au découvreur du papillomavirus. À un moment où on essayait de lancer la vaccination contre le Gardasil, il faut dire que quand même c'est un vaccin qui coûte entre le prix du vaccin et les visites médicales plus de 500 euros. C'est quand même un prix énorme qui est supporté par nous tous, même en France, la Sécurité sociale rembourse 65%. Ce sont vraiment des prix exorbitants. Et donc on a donné ce prix Nobel, et moi j'ai pensé que c'était quand même un petit peu louche, et effectivement, il y a un procureur allemand qui s'appelle, un procureur danois qui s'appelle le procureur Schutz, qui a découvert qu'il y avait des liens d'intérêt énormes entre certaines personnes impliquées dans l'attribution du prix Nobel et avec AstraZeneca. Alors moi, on m'a dit, mais AstraZeneca n'est pas le fabricant du vaccin, mais AstraZeneca a touché des royalties énormes par du Guardasil l'année où le prix Nobel a été donné. Donc il est évident qu'il y a des trafics énormes à ce point de vue-là. C'est quand même quelque chose de très... les gens ne se rendent pas compte, parce qu'autrefois, les vaccins coûtaient entre 4 et 8 euros, 8 euros, 6 euros. Maintenant, les vaccins coûtent 60 euros, 70 euros. Du reste, très souvent, on retire un vaccin en vous disant « Oui, finalement, il n'était pas très efficace, on en a trouvé un mieux. » Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que le pas efficace... qui avait été très efficace pendant des années, il ne faut pas oublier ça. Hein. On nous a dit pendant des années qu'il y a un vaccin qui était très efficace et sans aucun effet secondaire. Quand on le retire, on vous dit, on en a trouvé un qui est beaucoup plus efficace et qui a moins d'effets secondaires. Comme le disait Coluche, plus blanc que blanc, c'est quoi ? Ben c'est là, comment peut-on être plus efficace quand on vous dit qu'un vaccin est efficace à 100%, ce qui n'est absolument pas possible sur le plan, cette affirmation est absolument idiote. Et alors c'est la même chose, effectivement, je reviens de nouveau à l'hépatite B, où on nous a dit que c'était un problème franco-français, justement, et ça n'est pas du tout, c'est pas un problème franco-français, parce qu'aux États-Unis, un scandale énorme sur l'hépatite B, dont on ne parle pas, vous savez que nous, on est protégés par les frontières, comme pour le nuage de Tchernobyl, rien ne vient en France, les choses n'arrivent pas, et ce qu'on nous dit, c'est que justement, en Angleterre, il n'y a pas eu de problème. Or, en Angleterre, on a vacciné effectivement 5 millions de personnes, En France, on en a vacciné près de 30 millions. Donc ça fait une énorme différence. Il est évident que plus on vaccine, plus il y a d'accidents et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents en Angleterre. D'autant qu'on a un gros gros problème avec le ROR, parce qu'ils ont énormément vacciné avec le ROR. Ils sont tellement occupés par leur problème du ROR qu'ils ont mis toute leur ardeur à s'occuper de ça et pas du tout de l'hépatite B. Donc tous ces problèmes-là, je crois que si les pays s'alliaient pour échanger toutes leurs informations, on s'apercevrait que les problèmes sont exactement les mêmes dans tous les pays, parce que c'est normal, les laboratoires passent les frontières, les laboratoires vendent la même marchandise, vous savez qu'ils sont tous fondus les uns avec les autres, il n'y a plus un laboratoire allemand, un laboratoire anglais, un laboratoire français, ils ont tous des liens d'intérêt entre eux, ils sont tous unis les uns et les autres, et la population, qu'elle soit anglaise, américaine, chinoise ou n'importe quoi, on a à peu près les mêmes, on est quand même des êtres humains, toujours sensibles aux mêmes maladies et avec les mêmes défenses naturelles et avec les mêmes accidents vaccinaux. Voilà, donc je crois qu'il faut dénoncer ça et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas informés, donc on leur dit le vaccin, il faut absolument le faire. Effectivement, on menace aussi les gens qui ont commencé à avoir un vaccin et qui tout d'un coup découvrent qu'il y a des accidents, et on leur dit, si vous vous arrêtez, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est absolument faux. Plus vous vous arrêtez tôt, moins vous risquez d'avoir des problèmes. Il faut quand même rassurer aussi les gens. C'est pas parce qu'ils ont eu une première injection qu'il faut s'arrêter, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec la deuxième injection. Par exemple, pour l'hépatite B, il y a eu beaucoup plus d'accidents pour la deuxième injection que pour la première. Et le ROR, c'est exactement la même chose. Donc il faut s'arrêter de menacer, d'avoir peur. Il ne faut plus avoir peur des maladies. Il y a quand même la plupart de ces gros vaccins sont sont des vaccins contre des maladies très bénignes et qui disparaissent seuls. Et je crois que la chose la plus importante, c'est la prévention. Et la prévention, ce n'est pas le vaccin, c'est d'avoir une vie saine et de consolider un système immunitaire. Mais que dire aux mères alors qui ont déjà commencé à vacciner leurs filles et qui se posent énormément de questions? Justement, c'est là que plus elles arrêteront la vaccination. Bon, il ne faut pas tuer leurs filles parce qu'elles ont été vaccinées, mais il vaut mieux arrêter dès qu'on est au courant et ne pas se dire « j'ai encore la deuxième dose qui est dans mon réfrigérateur, qu'est-ce que je vais en faire ?» Flanquez-la à la poubelle. Au moins, vous risquez de sauver votre enfant puisque c'est à la deuxième dose ou la troisième parfois, ou au rappel, qu'on a un accident. Donc plus vous vous arrêtez, plus vous limitez les risques d'accident. Donc il faut rassurer les mères et ne pas être dans la peur. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à éradiquer sur la Terre. Ce ne sont pas les microbes, ce ne sont pas les virus, c'est la peur. Quand on aura éradiqué la peur, les gens ne seront plus malades. Ils ne seront pas en tout cas autant malades. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous. Sylvie Simon, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on aimerait bien parler d'un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez écrit beaucoup, beaucoup de choses, les vaccinations. J'aimerais bien savoir que vous nous expliquiez dans un premier temps en quoi les vaccins posent problème. Vaste question. Eh bien, la question des vaccins, vous savez, déjà, on dit toujours qu'il y a un rapport bénéfice-risque. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de bénéfice-risque, parce que les vaccins, on les administre à des enfants qui sont en parfait état, s'ils sont dans des familles qui les ont bien nourris, des mères qui n'étaient pas malades, enfin, etc. Quand ils naissent, ils sont sains. Et on met dans ce corps sain des quantités de produits qui sont absolument épouvantables, sans compter évidemment le virus ou la molécule vaccinale qui va déclencher les anticorps et qui déjà est un poison en soi. Mais alors le problème, c'est que maintenant en plus, on fait des vaccins qui sont multiples, avec plusieurs valences, et il est évident que quand on rencontre une maladie, et quand un bébé va rencontrer une maladie, il ne va pas avoir 6 maladies à la fois. Alors on demande à ce système immunitaire qui n'est pas encore formé de répondre à 5-6 maladies. Comment voulez-vous que ça ne perturbe pas le système immunitaire ? C'est le plus grand perturbateur du système immunitaire qui existe, le vaccin. Il faut être malade pour avoir conçu une idée pareille. Alors quand on me dit, un jour on m'a téléphoné en me disant quel est le moins pire des vaccins. Je lui dis, mais vous voulez faire quoi ? Ben, il faut bien en faire un peu, alors je voudrais savoir quels sont les moins mauvais. C'est le principe vaccinal. Et quand on vous dit, il y a des gens qui sont même contre tous les vaccins, c'est le principe contre lequel on est. C'est pourquoi, vous savez, les maladies d'enfance, on nous fait peur avec les maladies d'enfance, mais autrefois on les appelait les maladies nécessaires. C'est extrêmement important, ça. C'était des maladies qu'on attrapait pour forger le système immunitaire. C'est-à-dire que, comme nous avons des anticorps qui sont comme une armée qui nous protège, cette armée, il faut qu'elle soit en marche de temps en temps, qu'on la mette à l'épreuve pour qu'elle puisse résister et se consolider. Donc, un enfant... Si je me fais un peu l'avocat du diable, l'idée est de protéger. En tout cas, l'intention est plutôt bonne. À quel moment est-ce que ça devient gênant, le vaccin ? Mais, c'est-à-dire qu'il faut... On est parti du principe qu'on allait avoir des maladies et que ces maladies étaient graves. C'est depuis les vaccins, parce que je vous signale que à l'époque quand j'étais petite fille, la rougeole était une maladie nécessaire, comme je disais. Donc c'est une maladie qu'il fallait attraper, parce qu'après on avait un très bon système immunitaire. Alors on nous fait aussi peur avec l'infection des maladies. Moi je vois, j'ai eu des enfants qui ont eu certaines maladies d'enfance que moi j'ai pas eu, alors que j'ai pas été vaccinée. J'étais vaccinée contre rien, hein. Et mes enfants n'étaient pas vaccinés non plus. Donc ils n'ont pas attrapé. Il y en a un qui a attrapé une maladie, ses frères et sœurs l'ont pas attrapé réciproquement. Donc ça ne sert à rien de vous dire que ce sont des maladies graves. Et alors maintenant, il est évident que comme on a, avec ce système immunitaire, le virus fonctionne, ou les virus ou les bactéries ne circulent plus, on a beaucoup moins de défense contre ces choses-là. C'est pour ça que quand vous attrapez tout d'un coup la rougeole à 30 ans, c'est beaucoup plus dangereux qu'à 6 ans, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que c'est notre faute. Parce qu'il n'y a plus, il y a maintenant ces virus ou ces vaccins, on n'a plus de défense contre ces choses-là. Vous ne pensez pas, par exemple, qu'un vaccin comme celui de la polio, par exemple, est un vaccin qui a une utilité ? Bon, le vaccin de la polio, on a attrapé la polio, il y a eu des épidémies, c'est vrai, de polio, parce qu'à l'époque, on a remarqué du reste que la polio s'attrapait beaucoup, parce qu'on a enlevé à l'époque, il y a des modes en vaccin, en vaccination et en maladie. On a enlevé les végétations et les amygdales. Mm-hmm. Si on a eu des végétations et des amygdales, c'est pas pour rien, c'était pour nous protéger. Donc automatiquement, il y avait le poliovirus passait par ces choses-là. Alors, évidemment, il y en a eu beaucoup. On a remarqué qu'il y a eu beaucoup de polio sur les membres qui avaient eu d'autres vaccins que celui de la polio à l'époque. Et il y a eu ces épidémies de polio. Alors, il faudrait quand même faire remarquer que, par exemple, maintenant, on nous dit que la polio a été éradiquée par les vaccinations. Mmh. Effectivement, la détermination, si vous voulez, le nom de la polio, est donnée, la maladie elle-même est donnée par le virus sauvage. Mmh. Et là, avec ce virus sauvage, vous avez la polio. Bon, on a éradiqué, dit-on, en Inde, la polio. Donc ça veut dire qu'a priori, on n'a plus besoin de se vacciner, c'est ça ? Voilà, il n'y a plus de polio. Mm-hmm. Mais à la place, il y a une maladie qui s'appelle la paralysie flasque aiguë, qui a remplacé la polio et qui a une différence avec la polio, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le virus sauvage, c'est le virus vaccinal, qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel. Alors on a gagné. Mais on vous dit, il n'y a plus de polio. Ce qui est vrai, il n'y a plus de polio au sens que nous donnons au nom poliomyélite. Eh bien maintenant, il y a une maladie qui est la même que la polio, qui vous paralyse, qui tue beaucoup plus, et qui s'appelle tout de même la paralysie flasque aiguë. Alors maintenant, on va, dans quelques années, inventer un vaccin contre la paralysie flasque aiguë. Or, qui donnera d'autres conséquences encore. Voilà, et qui redonnera d'autres conséquences, parce que la polio s'attrape beaucoup, ça ne s'attrape plus dans nos pays maintenant, mais ça s'attrape dans des pays où il n'y a pas d'hygiène, où les gens font leur défécation dans l'eau qu'ils boivent après, etc., etc. Donc chaque fois que vous mettiez des virus, même vaccinaux, en circulation, ils attaquent les gens. Donc il y en a de plus en plus, et ça, on ne nous le dit pas. Et il y a eu, on veut maintenant éradiquer la polio en Afrique, comme on l'a fait pour l'Inde. Et effectivement, on va réussir comme on a fait en Inde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de polio sauvage, il y aura à la place la polio vaccinale, mais qui ne s'appelle pas polio. Ça, c'est une question de... Votre idée, vous pensez en fait que la plupart des vaccins, ou peut-être même la totalité, d'après ce que vous dites, auraient plus de conséquences néfastes que de conséquences positives, en fait. Ah ben non, aucune conséquence, elle ne protège pas. Parce que moi, j'ai écrit assez de bouquins pour montrer que quand on a vacciné à outrance, ça n'a pas changé du tout. Je donne un exemple. Par exemple, là, on prend le BCG, par exemple, qui a été très à la mode, le fameux BCG. Bon, eh bien, qui est censé protéger de la tuberculose ou bien... Oui, c'est le vaccin contre la tuberculose. Bah, a priori, ça ne protège même pas contre la tuberculose, mais contre la... Aux États-Unis, la tuberculose a disparu sans vaccin. Sans vaccin, oui, c'est ça. Et on a introduit le vaccin de la tuberculose quand la maladie avait disparu. C'est ce qui s'est passé avec l'hépatite B. Oui. Il y a eu beaucoup d'hépatite B parce qu'on nous l'a pas dit, mais on a infecté les gens au moment de la vache folle, enfin il y a eu des transfusions, on a infecté les gens avec l'hépatite B, et puis maintenant, on vous dit, c'est la vaccination qui a arrêté l'hépatite B. C'est pas vrai, à partir du moment où il n'y a plus de seringues qui étaient contaminées, parce que tous les drogués changeaient leurs seringues et tout, au moment où il n'y a plus de seringues, échangées comme ça, il n'y a plus du tout d'hépatite B. Il y en a très peu. Alors, il y a d'abord cette histoire-là qui est déjà un gros mensonge, et alors en plus... Par exemple, on a constaté que quand on a fait, par exemple, le vaccin de l'hépatite B, les scléroses en plaques ont été multipliées par 3. Oui, ça c'est des choses... Et personne n'en parle. On n'en parle pas du tout. Si, on en a parlé, mais ça a été étouffé. Mais ça a été étouffé. Ça a été bien mis sur le côté, on a mis le mouchoir dessus, en disant non, ce n'est pas les vaccinations. En 1994, il y a eu cette folie vaccinale. On a vacciné quand même 30 millions de personnes. Moi, j'ai rencontré des vieilles dames qui me disaient « Mais est-ce que vous vous rendez compte? Je peux boire dans la tasse de quelqu'un qui a eu l'hépatite B. Il faut arrêter. » Tout ça, ça s'attrape par le sexe et ça s'attrape par les contaminations par le sang. Ouais. Mais on vaccine des bébés. Alors, ils vont, même eux-mêmes, disaient « Ça dure 5 ans à peu près, la protection. Oui, » puisque les infirmières doivent se faire vacciner tous les 5 ans. Mmh. Eh bien, on vaccine un bébé qui vient de naître. Il a tellement de... Je sais bien que les rapports sexuels sont de plus en plus tôt, mais quand même, il ne faut pas charrier. Bon, quand vous êtes un bébé de 3 jours et qu'on vous vaccine tout de suite contre l'hépatite B, c'est de la folie. Alors, non seulement on court-circuite, effectivement, le système immunitaire, mais en plus, ça ne peut pas le protéger. Ça va le protéger de quoi? Et un jour, j'ai eu un médecin même qui m'a dit, mais au cas où le bébé pourrait... Ben, il pourrait mordre dans l'infirmière. J'ai dit, écoutez, au cas où vous ne seriez pas un bébé, c'est un descendant. Hein. Ah oui, vous avez raison. Enfin, voilà, ils sont complètement abrutis. Pas tous, mais beaucoup, énormément. Quelle est l'intention de ça? Parce que si les vaccins se développent, ils sont même qu'on aille vers une médecine qui est de plus en plus portée vers les vaccins. Quel est l'intérêt de ces vaccins-là? Pourquoi est-ce que des personnes développent plus ça qu'autre chose? Mais l'intérêt, c'est le fric. Un médicament par rapport c'est à uniquement ça. Pourquoi plus le vaccin qu'un médicament? On est dans une société de consommation, il faut consommer. Alors, si on ne vaccinait que les gens, si vraiment le vaccin était utile, on ne chercherait pas à en faire autant de toute façon. Mais ce qu'on veut, c'est faire peur aux gens, parce que c'est par la peur qu'on marche. Et les gens ont peur. Moi, je vois des mères qui m'ont dit, j'ai quand même fait vacciner ma fille contre le Gardasil, par exemple. Contre le cancer du col de l'utérus. Qui est un vaccin épouvantable. Ouais. Bon, il va y avoir des épidémies de cancer d'ici quelques années, ça ne va pas rater. Hein. Mais j'ai fait vacciner ma fille parce que je voulais la protéger du cancer. Or, moi-même, j'ai téléphoné un jour à Pasteur pour demander comment marchait ce vaccin. On m'a dit, c'est un vaccin contre le cancer, madame. Et c'est pas contre le cancer, c'est contre le papillomavirus, qui dans certains cas peut donner un cancer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des papillomavirus qui n'auront jamais de cancer, jamais et d'autres personnes qui auront des cancers sans avoir de papillomavirus. Et en plus, il y a, je ne sais plus, 80 et quelques sortes de papillomavirus, il n'y en a que 2 qui sont protégés par le vaccin. En admettant que ce soit protégé, on ne le saura que d'ici 20 ou 30 ans. Comment donc, peut-on dire que c'est un vaccin qui protège ? C'est une campagne de culpabilisation et de peur et de culpabilisation, ouais, les deux ça. À la fois. Ouais. Cultive la peur pour pouvoir consommer. Oui. Ouais. Alors moi, je me mets à la place de ces mères. Ah, elles ne savent pas. On leur dit, c'est un vaccin, grâce à ça, votre fille n'aura pas de cancer. Bon, et elles font vacciner les filles. Mais moi, j'ai eu au téléphone des quantités de mères dont les filles sont fichues maintenant, qui sont sur des chaises roulantes ou avec des pathologies extrêmement graves. Eh bien, elles vous disent, oui, mais je suis culpabilisée. Ben, je lui dis, mais ne vous culpabilisez pas, vous n'étiez pas au courant. Mais à partir du moment où vous êtes au courant et que vous continuez, là, vous êtes coupable. Bien sûr. Bon. Dans votre vision, il n'y a aucun vaccin donc qui est intéressant. Est-ce que c'est exagéré de dire ça ou est-ce que c'est... D'accord. Parce que ça ne protège pas. Ça ne protège pas. Est-ce que ça, c'est des choses qui, quand vous avancez ces arguments-là, j'imagine qu'il y a des études derrière, qu'il y a des personnes qui sont posées ces questions-là, qui ont étudié ces questions-là. Qu'est-ce qui empêche la diffusion de ces chiffres-là, de ces études-là? Parce que vous, j'imagine que vous les relayez dans vos ouvrages. Je vais vous donner un exemple typique, la diphtérie. Mmh. La diphtérie est une maladie qui fait peur. Bon. Il se trouve que justement, par exemple, moi, au moment où j'étais en train d'écrire ce premier livre, tout d'un coup, j'ai dit à mon mari, mais c'est bizarre, il me semble que tu as eu la diphtérie quand tu étais petit. Il me dit, oui, je l'ai eu à 7 ans. Je dis, mais tu avais été vacciné pourtant à l'époque. Il me dit, oui, justement, quelques jours après le vaccin. D'accord, c'est là que le vaccin. Et qu'a dit ta mère ? Et il me répond, ah ben mon chéri, heureusement que tu étais vacciné, sinon tu serais mort. C'est le vaccin qui lui a donné la diphtérie. Mmh. Alors, donc, à ce moment-là, il y a eu des études. Ça, c'est des choses courantes, ça ? Ce sont des choses qu'on beaucoup de gens l'ont vécu, ça. Ça veut dire que le virus inoculé dans le vaccin finit par prendre ça le dessus. Ça peut donner la maladie. D'accord. Mais oui, puisque on vous injecte le virus ou la bactérie, automatiquement, vous pouvez l'avoir. Oui, ça paraît logique. C'est logique. Comme on la grippe. On a besoin de faire 15 ans d'études de médecine pour savoir ça. Comme la grippe, c'est la grippe. Et ouais. Alors, à ce moment-là, il y a eu un professeur de médecine qui s'appelait le professeur Fumeron, qui travaillait avec le docteur Neveu. Et tous les deux ont trouvé un moyen de soigner la diphtérie d'une façon remarquable, c'était le chlorure de magnésium. Mmh. Et avec le chlorure de magnésium, on guérissait la diphtérie, comme on guérit aussi le tétanos avec le chlorure de magnésium. Ils ont fait une publication extrêmement sérieuse, ce sont des médecins, c'était vraiment des médecins comme il y en avait beaucoup autrefois, qui connaissaient leur métier et qui travaillaient très bien. Ils ont voulu faire une publication à l'Académie. Et la lettre de l'Académie que j'ai publié la photocopie dans un de mes livres, disait « Je ne peux pas publier journal qui appartient à la médecine, enfin, dans le truc de médecine, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne peux pas publier votre article car il nuirait aux vaccinations. Et l'intérêt général est de vacciner. » Ça vous montre exactement ce qui s'est passé. Donc, on a supprimé une information importante qui aurait pu sauver des gens et des enfants au profit de la vaccination qui n'a rien supprimé du tout. Parce que je vous montre cet exemple de la diphtérie parce que moi, je l'ai vécu. Et mon mari, tout d'un coup, me dit « Ah, mais tu avais raison, j'y avais pas pensé. » Bon. Et la même chose, vous pouvez demander à des médecins militaires quand on vaccinait les hommes à l'armée avec le BCG. Ils avaient tous des BCG d'après, ils partaient pour l'hôpital la plupart. Bon, on ne le dit pas non plus, ça. C'est quand même très grave. Et alors, justement, il y a eu, au moment où il y avait les hommes ont supprimé l'armée, vous savez, où on a supprimé le service militaire obligatoire, beaucoup de médecins se sont inquiétés en disant, ah oui, mais alors, s'il n'y a plus la vaccination à l'armée, qu'est-ce qui se passera? Mais à l'époque, il n'y avait pas de femmes qui faisaient un service militaire, elles n'étaient pas vaccinées, elles n'étaient pas plus malades que les hommes. Bien sûr, oui. Déjà, c'est une preuve. Et il y a eu des quantités de... Il y a eu, par exemple, en prenant l'exemple de la grippe. Il y a eu des études qui ont été faites sur la grippe. On nous a déclaré sur tous les tons, la grippe, le vaccin contre la grippe permet de sauver la moitié des gens âgés qui meurent de la grippe. Est-ce que ça a vraiment 50%. Or, quand vous allez voir quelle est la mortalité par la grippe chez les gens au-delà d'un certain âge, c'est 5%. Comment voulez-vous sauver 50% de la population s'il y a 5% seulement qui meurent de la grippe? Il ne faut pas dire que le vaccin a sauvé 50%. Encore, ce n'est pas de la médecine, ça c'est du bon sens. Et le bon sens a disparu complètement, vous voyez. Donc c'est très important ces choses-là. Mais on ne les dit jamais, et jamais un médecin ne soulève ces questions-là. Et quand j'en parle à des médecins, ils me disent « Oui, mais comme vous n'êtes pas médecin, je ne veux pas discuter avec vous. » Comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est une bonne façon d'éviter la... Mais ça, quand je leur dis « Mais dites, expliquez-moi !»« Non, non, je n'ai pas le temps, je ne veux pas vous expliquer. » Bon, et puis c'est tout. Vous ne pourriez pas comprendre. Vous pourriez pas... Exactement. Et ça, c'est pour beaucoup. Et on a aussi dit, il y a eu une étude qui a été faite dans l'Ontario, on a vacciné 13 millions de personnes contre la grippe. Généreusement, il n'y a pas eu un cas de moins de grippe qu'avant la vaccination. Alors, voulez-vous me dire qui ça a pu protéger? Il n'y en a pas eu un de moins. Il y en a eu un peu plus, au contraire. Justement, le médecin qui avait fait des études, il y a toute une équipe, il y a des équipes sérieuses qui ont fait des études là-dessus, ont constaté qu'au lieu d'avoir 100 cas, je crois à l'époque c'était 104 cas par million d'habitants, il y en avait 160. Donc, ça avait augmenté, au contraire, les cas. Donc, il y a eu des cas qui ont été donnés par le vaccin, encore une fois. D'accord. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc, ça n'a jamais protégé. Et du reste, il y a un médecin qui dirigeait au CDC d'Atlanta, vous savez, la section des vaccinations, et qui a dit, tout le monde sait que le vaccin contre la grippe ne sert à rien, mais on continue à l'administrer parce qu'il rapporte au laboratoire. Quand on a compris ça, on a tout compris. Avez-vous déjà pris le temps de vous questionner sur les limites de votre liberté à travers vos choix quotidiens? Eh bien, je crois que le public a pris conscience qu'on était quand même gouverné par des mafieux, que les laboratoires pharmaceutiques étaient vraiment des bandes de gangsters et qu'on nous vendait n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Par exemple, avez-vous pu choisir la qualité de votre alimentation? Quand les gens vous disent « je ne peux rien faire », c'est pas vrai. Nous pouvons dire non. On peut refuser d'acheter toute la cochonnerie qu'on nous vend. Si les gens refusaient d'acheter des blancs de poulet à Monoprix qui sont verdâtres, tellement les poulets ne sont plus des poulets, la nourriture n'est plus, les poissons sont tous des poissons d'élevage bourrés de salmonelle et de toutes les cochonneries qui existent. Si les légumes que vous achetez sont bio, savez-vous s'ils poussent en liberté ou dans une serre? Ensuite, notre nourriture est absolument épouvantable, si on ne le dit pas. C'est absolument dégueulasse ce qu'on nous donne. Si on ne mange pas bio, on ne mange que des cochonneries. Et encore, même dans le bio, il faut faire attention parce que tout est pollué. Parce que s'ils ont effectivement poussé dans une serre, ce qui arrive à de nombreux fruits et légumes bio, cela signifie qu'ils ne le sont plus. Il n'y a pas un légume qui pousse correctement. Alors, êtes-vous vraiment sûr d'avoir le choix? Moi, j'ai toujours été élevé dans un milieu où on s'est soigné naturellement, on n'était pas vacciné, on ne prenait pas de médicaments, on se soignait avec des simples. Quand j'avais, je sais pas, moi j'ai eu les maladies de l'enfance sans être vraiment malade. J'ai eu la rougeole, j'en étais ravie, parce que comme ça je suis pas allée à l'école. J'ai eu la coqueluche, j'en suis pas morte. Et après j'ai eu des enfants qui ont eu des maladies que je n'ai pas eues, je les ai pas attrapées. Mes enfants ont eu chacun des maladies d'enfants qui n'ont pas passé aux frères et sœurs. Quand on vous dit que les maladies sont extrêmement contagieuses, ça n'est pas vrai. Donc j'étais déjà très préparée à tout ça, mais c'était pas mon combat pour moi. C'était, je vivais comme ça, et puis les autres vivaient comme ils voulaient. Et puis un jour, j'en ai parlé avec une amie biologiste qui m'a dit tu devrais écrire sur tous les scandales qu'il y a partout parce que personne ne le fait ou très peu de monde et il se passe quand même des choses épouvantables. Alors j'ai commencé à mettre mon nez dedans, mais pour tout, alors la composition de l'eau, l'énergie atomique, les OGM, la vache folle à l'époque, il y avait l'histoire de la vache folle, il y avait toutes ces choses-là, le cancer qui soignait d'une façon complètement lamentable, enfin toutes les maladies. Et puis alors surtout les accidents médicaux qui arrivaient de tous les côtés. Et quand on met le nez là-dedans, on ne peut pas s'arrêter, ce qui fait que j'en suis au 35e bouquin là-dessus. C'est vraiment la boîte de Pandore. Plus on découvre, plus on est écœuré. Encore même maintenant, je suis vraiment surprise de certaines choses qui se passent et qui sont monstrueuses. Avez-vous des enfants? Si oui, ils sont certainement vaccinés contre une demi-douzaine de maladies n'ayant plus cours en Europe depuis des décennies. L'avez-vous choisi ou vous êtes-vous senti contraint de le faire? Et le jour où les gens vont prendre conscience, ça va être une véritable révolution. Mais pas une révolution avec des armes. C'est pas avec des fusils qu'on va réussir. C'est en disant non. Moi, je voudrais que les gens osent dire non. Que toutes les femmes, par exemple, qui me disent « comment faire parce que mes enfants vont à l'école et moi, je voudrais pas les vacciner ». et dans leur école, il y a forcément d'autres mères qui sont là. Au lieu d'aller voir le directeur ou le je sais pas quoi de l'école, ou de ne rien oser dire, ou de faire des faux, ou des contre-indications, etc. Si toutes les mères se réunissaient et allaient à l'école en disant, bah, écoutez, on vous ennuie, nous, on n'enverra pas l'enfant à l'école tant qu'il sera, et on le vaccinera pas. Si toutes faisaient ça, le directeur de l'école se dirait, attendez, moi, je vais être au chômage maintenant, il n'y aura plus d'école. Bon. Donc, on va plus se mêler de ce qui nous regarde pas. Parce qu'au fond, ça regarde pas un directeur d'école de si ses enfants sont vaccinés ou pas. Mais il n'y a plus de liberté. Vous savez, là, quand on vous dit qu'on est en démocratie, bon, comme disait je crois, Churchill, bon, c'est la meilleure des mauvaises choses. Enfin, c'est pas bon, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais la liberté n'existe plus. Et elle se rétrécit comme une peau de chagrin. Parce que de plus en plus, il y a des lois contraignantes. On est obligé de faire ceci, de faire cela. Regardez tous les médecins qui, maintenant, sont déboutés de leur, enfin, sont privés de leur droit d'exercer parce qu'ils ont exercé en dehors des protocoles. On est tous des protocoles. Et j'ai sans arrêt des confidences de gens dans n'importe quel métier, dans n'importe quel secteur, qui vous disent, j'ai été confronté à des fonctionnaires qui me disaient, oui, mais vous n'entrez pas dans les cases que nous avons. On n'entre pas dans les protocoles, on n'entre pas dans des schémas. Donc à partir du moment où on n'entre pas dans un schéma, ils sont perdus. Parce que vous savez, tout est pré-mâché, enfin tout le travail est fait pour que vous entriez dans le schéma. Et à partir du moment où vous sortez, vous êtes vraiment le virus qu'il faut absolument combattre. Je crois qu'on est quand même de plus en plus de petits virus comme ça pour les embêter. Vous, ou un de vos proches, suit-il un traitement antibiotique contre une maladie chronique? Est-ce par choix ou par manque d'alternative? Le docteur Elmiger, qui est un médecin merveilleux suisse, l'a écrit dans tous ses livres, il a dit « on a abruti la race humaine par les vaccinations » en introduisant justement le vaccin contre la variole, etc., etc. Mais on ne s'en rend pas compte. Et quand les gens vous disent, par exemple, je refuse des OGM et je vais me faire vacciner avec le Gardasil, c'est un OGM. Serait-ce une coïncidence si la maladie ne fait qu'empirer? Parce que de toute façon, l'industrie pharmaceutique au départ, qui était beaucoup, beaucoup plus modeste que maintenant, fabriquait des médicaments pour les gens malades. Et comme ils ont voulu gagner de plus en plus, vous savez, c'est toujours plus dans nos civilisations, il est évident que n'ayant plus assez de malades, il faut fabriquer des malades. Et pour fabriquer des malades, il faut dire aux gens, vous êtes malades. Donc c'est ce qu'ils font. Alors on a médicalisé complètement la santé, c'est-à-dire que la santé est devenue... quand j'ai commencé mon premier livre, la santé représentait 6% du PIB. Maintenant, elle représente 11%. Donc la santé, c'est vraiment la chose qui motive le plus les gens, alors que vraiment, être malade, ça n'est pas normal. On peut être malade dans la vie, effectivement, sans être coupable pour autant. Mais la maladie n'est pas une chose normale, alors que maintenant, on vous explique que quand vous êtes jeune, vous avez des boutons, il faut prendre des médicaments, il n'y a qu'à attendre que les boutons passent. Vous êtes enceinte, on vous explique que vous êtes très malade, qu'il faut vous vacciner contre toutes les maladies pour que vos enfants n'en souffrent pas, et on vous rend malade. On a tout médicalisé, ne parlons pas des gens âgés auxquels on donne des quantités de médicaments avec des effets croisés qui sont extrêmement dangereux. Et alors on vous dit toujours, vous savez que la plupart des gens prennent maintenant, beaucoup dans les maisons de retraite, les gens prennent jusqu'à 20 médicaments par jour. Comment voulez-vous que ça puisse agir? Les uns annihilent les autres et puis il y a vraiment une pollution épouvantable. Sylvie Simon, qui enquête depuis plus de 30 ans sur des questions comme celles qui nous préoccupent ici, a accepté d'en parler devant la caméra de Réponse Bio. Afin de confronter l'éclairage de son investigation avec la réelle difficulté des choix de consommation, nous y entrecroiserons le témoignage de Sylvain Gauthier. À nos réactions brutes, donc la liberté, c'est d'avoir ce petit recul pour justement prendre des décisions qui nous appartiennent vraiment et qui nous mènent vers un chemin qui est le nôtre, quoi, et pas juste répondre à une situation par peur, par désir ou autre chose. Récemment titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, ce jeune homme cherche actuellement sa voie dans un monde qui ne semble lui offrir que peu de perspectives professionnelles, toutes en contradiction avec son goût de l'environnement et de la nature. Dans mes études d'ingénieur agronome, j'ai bien pu avoir un bon aperçu de comment ça fonctionnait, quoi, du système agro-industriel, comme on l'appelle. Et donc, en fait, de voir l'introduction de l'industrie dans un domaine comme l'agriculture et les dommages que ça crée, quoi. Les dommages que ça crée et les, les aberrations, quoi. Les aberrations, la perte de pouvoir des producteurs, des paysans, et le fait qu'à l'échelle industrielle, c'est pas possible d'avoir une gestion de la production de nos aliments qui soit juste, quoi, qui donne des bons fruits, à la fois dans le sens des concrets et dans le sens abstrait des fruits qui soient justes. À une époque où les lobbies reprennent le flambeau de l'Inquisition médiévale contre la liberté des individus, vous avez le droit inaliénable d'être honnêtement informé. À une époque où certains entendent réguler la surpopulation en expérimentant de nouvelles molécules chimiques sur les consommateurs, ce droit est une nécessité. Vous savez, c'est Lucie Aubrac qui disait toujours « l'information est plus dangereuse qu'un fusil ». Et effectivement, une fois les gens informés, il faut qu'ils prennent conscience des choses. On vous oblige à vous vacciner, mais notre corps nous appartient à nous, il n'appartient pas à l'État. Et vous savez qu'il y a comme ça des gens dans les gouvernements qui sont payés, il y a des associations et tout, qui dénoncent des parents sous prétexte que les parents n'élèvent pas les enfants dans le système dans lequel il faudrait aller. On blâme les parents, par exemple, qui n'envoient pas les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école en ce moment ? On apprend la violence, on apprend la haine, on apprend la colère, etc., etc. Et on apprend des choses qui ne serviront à rien. Bon, l'école est une fabrique de camps, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a eu des quantités de spécialistes qui l'ont écrit. On nous apprend à être justement malade, on apprend aux enfants dès l'âge de 3 ans le parfait usage du médicament. On est complètement malade. Et quand on vous donne des conseils pour partir à l'étranger, on vous dit emportez vos médicaments d'usage, les médicaments conseillés dans le pays, les médicaments pour les épidémies, les épidémies. Ça devient aberrant. Et les gens obéissent. C'est ça qui est incroyable. Ils obéissent à des stupidités. Je ne sais pas si j'aurais le courage d'aller à l'encontre de la vie du médecin. C'est ça qui est, fou, quoi. En fait, quand ça engage que moi, c'est sûr que je ferai pas le vaccin. Quoique, hein, je l'ai bien fait pour aller en Inde. Et les gens sont tellement effectivement pollués par tout ça qu'ils ne réfléchissent plus. Ils sont devenus des espèces de clones. Ils font ce qu'on leur dit. Et je crois que les gens adorent cet assistanat. Les gens ont horreur de prendre des responsabilités. Vous savez, être averti et être conscient, c'est être responsable. Ils ne veulent surtout pas. Moi, je vois, il y a plein de gens qui me téléphonent en me disant « qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Je dis « attendez, moi, je ne suis pas médecin, je ne vous donne pas de conseils, je vous donne des informations, à vous de les traiter comme vous voulez. » « Oui, mais si vous étiez à ma place, je dis, je ne suis pas à votre place. » Donc, les gens voudraient que vous preniez des décisions pour eux, comme ça, c'est vous qui seriez responsable. Eh bien non, il faut refuser ça. Si tu pouvais changer le monde en claquant des doigts, qu'est-ce que tu ferais ? Eh bien, je changerais la conscience des consommateurs. Et je leur dirais vraiment que le pouvoir, il est dans leur porte-monnaie et pas dans le bulletin de vote. Et que les gens, ils arrêtent de penser qu'on choisit un président une fois l'année et qu'ensuite on ne fait que le critiquer toute l'année et que nous, on peut bouffer de la viande et bouffer du sucre et des chips et être peinard devant notre canapé et devant la télé, quoi. Il faut vraiment changer notre mode de consommation et choisir des produits qui représentent le monde qu'on veut, quoi. C'est-à-dire moins de viande, plus de produits qui respectent l'environnement, plus de fruits, moins de produits qui sont coûteux, qui sont produits de façon industrielle, comme les biscuits, les gâteaux, qui vont chercher l'huile de palme. Et si on veut arrêter ça, moi je crois qu'il faut que les gens arrêtent de consommer. C'est Coluche qui disait, si on n'achetait pas, on fabriquerait pas. Il avait raison totalement. Arrêtons d'acheter des cochonneries, et à ce moment-là, les gens seront bien obligés de faire autre chose. Je pense que c'est la non-consommation qui va changer tout. Si on disait tous non, c'est ce qu'on a fait en France. Hein. Remarquez qu'avec les OGM, par exemple, on est arrivé pour l'instant à les faire reculer. Mais il ne faut pas non plus croire que chaque fois qu'on fait des pétitions et autres, on obtient des résultats efficaces. Regardez ce qui s'est passé pour les gaz de schiste. On nous a dit qu'on les avait abandonnés. Il y a eu 70 permis qui ont été donnés dans la région parisienne. On a retiré 3. Et moi, tout le monde m'a téléphoné en me disant « Ah ah, on a gagné, il n'y a plus de gaz de schiste ». C'est pas vrai. Vous savez, quand on a affaire aux gros lobbies, ils sont têtus comme des mules, et s'ils n'arrivent pas à passer par une voie, ils passeront par une autre. S'ils ne peuvent pas le faire par la science, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas, parce que les vrais scientifiques sont quand même avertis de ces choses-là, eh bien, ils passent par la politique. Et comme tous les politiques sont achetés, tous tant qu'ils sont, que ce soit... C'est pas forcément par l'argent, hein, mais c'est le pouvoir. Ils ont un tel goût du pouvoir qu'ils se disent que s'ils en si contre, ces gens-là, ils perdront leur pouvoir. Et tôt, plutôt que perdre leur pouvoir. Et quand on entend tous les hommes politiques vous dire, moi je fais de la politique pour sauver la France, par amour pour mon pays, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui les croit encore. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Enfin, il y en a quand même beaucoup, parce que la plupart des gens sont allés voter en vous disant, je ne vote pas pour la droite ou pour la gauche, je vote contre ceux qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais quel qu'il soit, c'est pareil. À une époque, les communistes avaient comme devise blanc bonnet et bonnet blanc. Il faut qu'on se dise que, quels que soient les hommes politiques, ils sont manipulés par des gens beaucoup plus puissants qu'eux. Quand vous pensez que le président Obama, qui est théoriquement l'homme le plus puissant de la Terre, puisqu'il dirige les États-Unis, sa femme a eu un procès par Monsanto, parce qu'elle faisait un jardin biologique à la Maison-Blanche. Donc, des gens comme Monsanto sont plus importants que des gouvernements, il faut le dire. Donc, mais ils sont très peu. Nous sommes des masses de gens. Si ces masses de gens bougeaient et voulaient se bouger un tout petit peu, eh bien on changerait, on renverserait tous ces gens-là du jour au lendemain. Toutes les histoires de crise des banques et tout ça, c'est un scandale. Et on obéit à quelques citoyens qui sont des prédateurs. Mais on ne le sait pas. Et puis on dit, ah ben oui, mais moi je peux rien faire. On nous a tellement dit qu'on ne pouvait rien faire. Je crois qu'il faut que les gens réfléchissent et se disent qu'on peut faire quelque chose contre ces gens-là. Eh bien, on en est là maintenant. Les choses vont se réunir et un jour, tout va basculer. Le jour où ça va basculer, ça va être très, très rapide. Et moi, je pense qu'on est là à la fin de cette espèce de période que nous avons vécue et qu'on ne peut plus vivre parce que nous n'avons pas 36 000 planètes et on est en train de la tuer alors que la planète est suffisante. On peut nourrir 12 milliards de gens et on est loin d'être 12 milliards. Et au train où ils vont, on ne va pas continuer à augmenter parce que quand on vous dit il y a le côté exponentiel de la chose et ils font des calculs pour prévoir combien il y aura de gens sur la planète, ce n'est pas vrai. Au train où ils les tuent, avec toutes les maladies qu'ils ont engendrées, eh bien la population est en train de diminuer et autant on dit qu'on a vécu beaucoup plus vieux. Oui, les gens qui mangeaient sainement et qui effectivement, autrefois, il y a beaucoup de vieillards maintenant qui à 100 ans sont encore en vie. D'abord, il y en a très peu qui sont en bon état, hein, parce que dans les maisons de retraite, on les bourre de trucs, alors ils survivent mais ils ne vivent pas. Déjà. Mais ceux qui vivent et qui vivaient déjà très très vieux autrefois, il y en avait déjà plein, eh bien, ces gens-là, maintenant, étaient des gens qui sont nés avant la guerre, où il n'y avait pas une surmédication, où il n'y avait pas des vaccins obligatoires, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, ils étaient en bonne santé. Maintenant, avec tout ce qu'on leur fait, leur espoir de vie est en train de diminuer. Il diminue pour tous les gens qui sont nés après 38 déjà. Donc, et ça, c'est paru dans la plus grande intimité. Je l'ai cité dans un bouquin en donnant exactement les références de cette étude. Eh bien, cette étude est en béton. Ça prouve que les gens qui sont nés après, donc au moment où on a commencé à polluer la planète, vivront beaucoup moins longtemps. Donc, au train où on va, autant on a augmenté notre espoir de vie, ça va diminuer aussi rapidement. Ben, je crois que pour l'être libre, déjà, il faut décider de l'être. Il faut avoir la volonté de l'être et il faut être capable de prendre ses responsabilités, s'assumer et surtout, évacuer la peur. Oui, ça c'est une bonne question parce que j'ai été confronté à ça pour partir justement en Afrique et en Inde. Et là, je l'ai fait par exemple. Je me suis soumis quoi. Par peur, justement. Parce que j'avais peur de ce qu'on nous dit, les maladies, tout ça, et j'avais peur. Moi, c'est mon grand combat. Je disais que s'il y avait un seul vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Et ça, il faudrait vraiment l'administrer à tout le monde s'il y en avait un, parce que la plupart des gens sont dans la peur. Y compris les combattants qui sont de notre côté, qui sont des gens qui n'acceptent pas cette chose-là, mais qui me disent, moi, sans arrêt, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je leur dis, si vous arrivez à remuer deux personnes, à vous seul, deux, c'est pas beaucoup quand même. Bon, eh bien, deux plus deux, avec l'histoire de la répercussion de tout ça, nous arriverons à gagner. Mais il faut que vous bougiez au moins pour bouger une autre personne que vous. Et à ce moment-là, c'est exponentiel et ça va exploser. C'était le regard sur le monde par le frère Siméon.